Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. On commence à partir d'aujourd'hui, bi'idnillahi azza wa jal, un nouveau cours sur un sujet très très important. Hadha al-kitab, cette risala, tafsir, kalimati tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi. Cette risala, c'est une fatwa, c'est la réponse à une question. Ils ont demandé à Cheikhul Islam, rahmatullah alayhi, le sens de la ilaha illallah. Et il a répondu avec un kalam jamil, mukhtasar, mufid. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il a expliqué, comme à son habitude, avec des paroles très très simples. On avait déjà expliqué ce livre il y a quelques années. Lakin lil ahammiya, vu que c'est le sujet le plus important, enfin, on a décidé de relire cette risala. Et c'est quelques pages, quelques assises. Enfin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Le livre, on l'a propagé, walillahi alhamd, et la plupart de nos frères, ils le connaissent. Pour ceux qui ne l'ont pas, enfin, sur le net, vous le trouvez rapidement. Il est propagé, walillahi alhamd. Et comme d'habitude, on conseille à nos frères de suivre avec le livre. Kadalik, on conseille à nos frères durant le cours. Il y en a, la plupart de nos frères, l'un, ils ne sont pas avec nous à cause des restrictions sanitaires. On fait que, en ce moment, que en ligne. Wa illa, le fait de faire les cours en ligne, c'est une ni'ma, lakin, ça demande de la concentration. Les frères qui sont avec nous, c'est beaucoup plus simple. C'est une assise, walillahilhamd. Et on a l'habitude de réviser, de se poser des questions, etc. Enfin, celui qui écoute, il reste présent. Amma, les cours en ligne, enfin, si on ne fait pas cet effort de concentration, de suivre, khasatan pour celui qui n'a pas le livre entre les mains ou sous les yeux, Obama, il écoute une phrase et il n'écoute pas la seconde. Obama, il écoute une minute, Thoma, il est coupé par une chose. Comme on a dit, c'est une question de priorité. Si la priorité, c'est le dars, khasatan mitla hadi dars, c'est un dars de tawhid. C'est la priorité. À ce moment, j'éteins le téléphone, ou je le mets en mode silencieux pour ne pas être dérangé. Et je me mets dans un endroit, bien sûr, selon les capacités, calme. Et c'est la place du dars, rien d'autre. C'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rajoute fil ilm. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette ni'ma. Et si on ne lui donne pas d'importance, ou cette ni'ma, elle n'est pas dans les priorités. Ils écoutent un dars, c'est un coup de fil, un message qui n'est pas important, il peut repousser. Là, on doit donner de l'importance. Si Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Dans ces cœurs, il y a hada mahabbat hada al-ilm. On aime ce ilm. Et ce ilm, c'est une priorité. Enfin, vous verrez, walillahi alhamd, qu'on avancera beaucoup plus facilement. Enfin, on continue à s'entraider via. On commence donc la lecture. Wa billahi tawfiq. Qala bismillahir rahmanir rahim. Su'ila al-imam al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala al-mujaddid sahib al-mu'allafat al-mufida wa lillahi alhamd. On a étudié avec nos frères beaucoup de ses livres. Et son livre le plus important, le plus profitable, le plus connu, c'est Kitab al-Tawhid. Ce livre, ya ikhwan, c'est une ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. Un livre très très simple. Il ressemble à Rawdat al-Uqala qu'on fait ensemble, mais qui est beaucoup plus résumé. Un chapitre, un titre, avec une ayah, un verset du Coran, un ou deux hadiths, un athar min athar al-salaf, et dans le sujet le plus important. Et on l'a étudié, wallahi alhamd, plusieurs. On l'a enseigné et étudié, wallahi alhamd, plusieurs fois. Hadha al-imam, ils l'ont interrogé sur ma'na la ilaha illallah. le sens de la ilaha illallah. Et cette question, c'est une question essentielle. Et on doit tous se la poser. Est-ce qu'on connaît le sens de la ilaha illallah? C'est le début. C'est la première étape. C'est le premier pilier. C'est la base de notre din. C'est la différence entre al-muslim et al-kafir. Est-ce qu'on connaît le sens? Est-ce qu'on met en application cette parole, ce témoignage, un témoignage qu'on doit tous aimer, respecter, mettre en pratique? Enfin, c'est quoi le sens? Est-ce qu'on est capable d'expliquer هذه الشهادة العظيمة à nos enfants, à nos frères? Si on est capable, est-ce qu'on l'a fait? Est-ce que notre da'wa, elle est basée sur هذا التوحيد? Toutes ces questions, elles sont fondamentales. Et Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a répondu avec un kalam très très simple. قَالَ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهِ اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهِ تَعَالَى اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ اللَّهَ نعم, on répète. فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ اِعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةِ هِيَ الْفَارِقَةُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ. Il a commencé par cette phrase. Awlan, avant de citer le sens, il a cité, rahimahullah, l'importance. I'lam, rahimakallah. Ça montre al-rifq bi man yisma. Celui qui a posé la question, Cheikh al-Islam, il lui a dit I'lam, rahimakallah. Dua. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse miséricorde. Et ça, c'est muhim. Comme on a vu dans notre dars précédent, le comportement pour faire parvenir al-haq. قال أن هذه الكلمة, cette parole, أي لا إله إلا الله, هي الفارقة بين الكفر والإسلام. C'est là la différence entre al-kufr wa al-islam, c'est par rapport à cette parole. Et celui qui aime, qui connaît, qui met en application, qui ne contredit pas cette parole, c'est un musulman. Celui qui déteste, qui ne met pas en application, qui combat cette kalima, c'est un kafir. قال الإعلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه وبعد. كلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة خفيفة على اللسان وهي عظيمة في الميزان. هذه الكلمة لا إله إلا الله elle est خفيفة على اللسان. C'est très très simple pour la prononcer. Ça ne demande pas un effort. Mais à hada, c'est avamu al-kalam. C'est la parole là, qui pèsera le plus yawm al-qiyama sur la balance. C'est la parole que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le plus. C'est la parole la plus importante. C'est le témoignage essentiel pour rentrer fi dinillah. Et pour être sauvé du feu yawm al-qiyama. قال لأنها في الحقيقة هي مضمون الإسلام. Cette kalima, صحيح, elle renferme les principes de base de l'islam. أي التوحيد. قال ولكن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ بل لها معنى ولها مقتضى. D'où l'importance d'étudier cette kalima. Le fait de dire لا إله إلا الله, c'est une parole très facile à prononcer. Même en arabe, même ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe, à force de la dire très très vite, ça devient très simple de la prononcer. Mais le but, l'objectif, ce n'est pas de la prononcer. Mujarrad talafud. Talafud, c'est une prononciation. Aïe, sans connaître le sens. Qala, walaha, qala na'am, walakin hadhi al-kalima laysat mujarrad lafd, bal laha ma'na walaha muqtada. Al-ma'na, c'est le sens. Ça yati ma'na. Le sens de la ilaha illallah. أي لا معبود حق إلا الله. بعض العلماء يقولون لا معبود بحق إلا الله. Personne ne mérite l'adoration excepté Allah عز وجل. Seul. Ça c'est le sens. أي cette kalima c'est التوحيد. أي unifier Allah سبحانه وتعالى dans l'adoration. Et الشرك adorer autre qu'Allah ou adorer Allah et adorer une créature avec Allah, ça contredit le sens. هذا c'est pour le sens et inshallah ça y a معنا. Beaucoup de preuves et كلام الامام محمد بن عبد الوهاب الشارح الشيخ صالح. كذلك لها مقتضى, c'est ce que ça va impliquer. Et هذا في الحقيقه c'est pas réservé à cette kalima. Chaque parole, qu'elle a aqil, le doué de raison, s'il prononce une parole, cette parole elle a un sens. La preuve, on ne parle pas avec des langues qu'on ne maîtrise pas. Là, tu dis des choses qui ont un sens. Et quand tu dis une chose, ça va impliquer une chose. Mathalan, tu dis à Wahid, demain on a rendez-vous après Salat al-Asr. Le sens, il est clair. Ton interlocuteur, il va comprendre que tu lui as donné rendez-vous après l'Asr. Donc le sens, il est wadih. Qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer que tu viennes au rendez-vous. Et là, si tu lui donnes rendez-vous et tu ne viens pas, est-ce que c'est suffisant là? Belle, c'est une caractéristique parmi les caractéristiques des hypocrites. Ils ne tiennent pas leurs engagements. Donc chaque parole elle a un sens et elle a un muqtada. Ça va impliquer des choses. Donc celui qui dit la ilaha illallah, homme ou femme, arabe ou non arabe, tous ceux qui disent la ilaha illallah, ils ont prononcé azam shahada, le témoignage le plus important. La parole la plus bénéfique, la plus profitable, la plus aimée indallah azza wa jalla. Ce qu'ils disent, ils doivent comprendre. Est-ce que, Akhil Karim, tu accepterais dans la vie de tous les jours de dire des choses que tu ne comprends pas? Abadan. Tu parles, tu sais ce que tu dis. Ça doit être encore plus important. Normalement, on ne doit pas accepter. On ne doit pas accepter de dire une chose de ne pas la comprendre. Ça veut dire quoi, on ne doit pas l'accepter? Ça doit nous pousser à faire des efforts. Et on peut aller plus loin. Le premier pilier de l'islam. On rajoute quand on fait, si on prend que le deuxième pilier de l'islam, as-salah, est-ce qu'on connaît le sens? La première chose que tu dis, at-takbir, Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça implique? Si on dit Allahu Akbar, on doit avoir la conviction que Allah, c'est Al-Akbar, ça fait partie de ses noms, et il est Akbar min kulli shay, donc on ne doit rien faire passer avant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le travail, ça ne doit pas m'empêcher de dire Allahu Akbar. Faire la salat, ça passe avant telle chose, ila akhir. Pourquoi? Parce que Allah, c'est l'Akbar. Kadhalik, on ne doit pas se contredire, dire Allahu Akbar, thumma faire passer dunya avant notre din, etc. Continue, après Allahu Akbar, yadu al-istiftah, tu dis a'udhu billah min ash-shaytan ar-rajim, thumma tu récites al-fatiha. Qu'est-ce que tu as compris min surat al-fatiha? Qu'est-ce que tu as compris? Qawluhu azza wa jal, alhamdulillahi rabbil alamin. Ça veut dire quoi, alhamd? On le répète des dizaines de fois par jour, ou plusieurs fois par jour, ça dépend combien on fait salat par jour. Thumma hakada thumma ar-ruku'. Thumma, ça veut dire quoi? Sami'a Allahu liman hamida. On se relève du ruku' tous les jours, plusieurs fois par jour. On dit tous sami'a Allahu liman hamida. Ça veut dire quoi? Wa hakada. Quand on dit ça, c'est pas pour rabaisser ou pour abedan, là, c'est pour se poser les bonnes questions, comme dans notre risala, cet homme qui a posé, c'est quoi le sens de la ilaha illallah, se poser les bonnes questions pour à l'avenir faire des efforts. Ba'dhum fi dunya, ils ont des projets. Projet, ouvrir un restaurant, ouvrir une entreprise, ils font beaucoup d'efforts. Ba'dhum, c'est devenu des professionnels dans le domaine de tout ce qui est administratif pour faire des entreprises, alors qu'à la base, ils n'avaient aucun lien avec ce domaine. Pourquoi? Les Madalianaoum, ils ont fait des efforts, l'expérience, le temps, ils ont des acquis, du savoir dans ce domaine. Maintenant, si un frère veut ouvrir une entreprise, ils peuvent l'aider. Alhamdulillah, c'est tayyib. Mais si on fait des efforts dans ce côté, dans ce point, et on délaisse l'ilm, et on ne connaît même pas l'explication de la ilaha illallah. On parle l'explication en arabe. On fait des efforts pour la connaître en arabe. Avec des preuves. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala قال وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَقَضَ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَهَكَدَ دِي أَدِلَّ كَدَلِكَ pour faire da'wah. Parce que si alhamdulillah on se remet en question, on fait des efforts, on avancera dans notre din. On avancera et on commence par l'essentiel. Al-shahada et as-salah. Maintenant, c'est pas normal que depuis des années, et certains, des années, on ne parle même pas des années fil islam, des années fil sunna, des années fil salafia, et certains, ils ne maîtrisent pas encore ce sujet. C'est pas normal. Pourquoi ils ne maîtrisent pas? C'est pas par un manque de temps. Là, ça fait des années. Matalan, ce livre, c'est une référence tayyiba pour bien comprendre la ilaha illallah avec les preuves, etc. Et alhamdulillah, il suffit pour comprendre le shahada. Quelques assises, peut-être 5, 6, 7 assises. Alhamdulillah, c'est fini. Une semaine, deux semaines, c'est terminé. Pourquoi ? Pourquoi on a encore des faiblesses fi hada ? Les anna, c'est une question de priorité. Priorité. Celui qui est toujours dans le dunya du matin au soir, wallah, il ne trouvera pas peut-être sauter ce qu'on fait ensemble d'une demi-heure, 40 minutes, il ne pourra plus. C'est pour ça on doit faire attention. Ce n'est pas normal. C'est pas normal des années et on connaît pas encore l'explication de l'Fatiha, on connaît pas l'ilaha illallah, on comprend pas quand on fait salat. C'est pas normal. On doit faire des efforts. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi, akhil karim. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Beaucoup de gens autour de toi, annahum, ils ont pas, alhamdulillah, ils ont pas ce que tu as eu. Enfin, mina shukr, c'est de faire des efforts. Lakin, pour faire des efforts, il faut s'écarter de tous les obstacles qu'on a étudié ensemble, walillahi alhamd, la risala qu'on avait lu de Cheikh Abdussalam Ibn Burjis, rahmatullah alayhi, awa'iq talab l'ilm. Et les obstacles qui empêchent l'insan d'avancer vers l'ilm, hatta peut-être que la première, le premier sujet, le premier point, le premier pilier à étudier, ba'duhum, il n'arrive pas. Pourquoi il y a des obstacles ? Qil wa qal, dunya, les fitan, etc. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. الهداية للجميع ثم قال رحمه الله ولها أركان ولها شروط لابد من معرفتها. نحن dans notre étude qu'on va faire, notre lecture ensemble, c'est surtout sur المعنى. Et كذلك الأركان أما الشروط moins. لكن pour ceux qui veulent une référence, فمن أحسن الرسائل, parmi les meilleurs livres résumés simples في هذا الباب, tout ce qui concerne le sens de la ilaha illallah, les conditions, les annulatifs, kitab al-wajibat, al-mutahattimat. Un cheikh qui s'appelle al-Qara'awi, un saoudien, c'est pas al-Qara'awi, al-allam al-imam, al-mujaddid, mujaddid janoub al-jazira, là, les ikhwa, ils pensent que c'est lui-là, c'est un autre. Al-Qara'awi qui a rassemblé al-wajibat, c'est un docteur d'une université fi al-mamlaka, wafaqahullah. Il a rassemblé kalam cheikh al-islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Kadhalik al-shurut, il a pris de Fath al-Majid, de al-alam Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de cheikh al-islam. Mouhim, il a rassemblé leurs paroles dans cette petite risala. Oh, c'est une énorme, une grande risala, avec une très courte. Al-wajibat al-mutahattimat. Il cite le sens, thumma les conditions, thumma les annulatifs, etc. Thumma les différentes catégories de kufr, d'hypocrisie. C'est une risala mufida qu'on a étudié avec nos frères, walillahi alhamd, plusieurs fois. À la kulli hal, nous, dans ce livre, on détaillera pas, on sortira pas du livre. Ce que Cheikh il a cité, on essaye de le simplifier à nos frères. Wa illa, enfin, ceux qui veulent plus, alhamdulillah, beaucoup de doulous, ils ont été propagés. Et les savants, wallahi alhamd, ils ont traité ce sujet kathiran. Qala walau kana al-qasd mujarrad al-talaffuz biha sara kullu man yaquluha musliman li'annahu sahl an yaqul la ilaha illallah wa yasir musliman walau lam ya'lam walau lam ya'mal shay'an. Si le fait de la prononcer, ça serait suffisant, enfin, tous ceux qui prononcent cette kalima, ça serait des musulmans. On peut se poser la question, mais est-ce que tous ceux qui la prononcent, c'est des musulmans ? Là. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Donc, les munafiqun, à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام, et كذلك les hypocrites qui sont présents aujourd'hui, ils disent la ilaha illallah. Et ils font salat, ils font apparaître que c'est des musulmans. لكن c'est des hypocrites. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد تأمل. Et si les hypocrites viennent à toi, ils disent نشهد أنك رسول الله. S'ils viennent auprès de toi, ils disent on témoigne que tu es le messager d'Allah. Et il n'y a aucun doute que les hypocrites, s'ils ont témoigné que le prophète c'est le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام, ils ont témoigné que la ilaha illallah. Il y en a, les deux témoignages, ils vont ensemble. La preuve, c'est un pilier de l'islam. Alors qu'il y a deux témoignages. À la kulli hal, ils l'ont dit. Est-ce que c'était suffisant? Là. قال الله عز وجل والله يعلم والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah, il n'a pas accepté d'eux. Bel, dans l'autre verset, قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. Ils seront plus bas fond de l'enfer. Pourtant, ils ont dit la ilaha illallah. Lakin, c'était des menteurs. C'était des menteurs, les mains d'Ali en Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que c'était des menteurs. Wallahu yashhad inna al-munafiqin la kadhiboun. Ça nous montre quoi? Ça nous montre un ami shurut Parmi les conditions de cette kalima pour qu'elle soit acceptée, c'est de dire la ilaha illallah sincèrement et avec véracité. Wa illa fa, celui qui dit hakada comme iyadun billah al-munafiqun en mentant, c'est d'aucune utilité. Cheikh Fawzan l'a cité hada pour montrer quoi? Pour montrer que c'est pas suffisant de prononcer. Certains y prononcent, alors sera d'aucune utilité. Et il va détailler dans cette risala, il va détailler ce point. Il a détaillé plutôt ce point, hafidhahullah. قال فهذه كلمة عظيمة ولها معنى ولها مقتضى ولها أركان ولها شروط ولا بد من تحقيقها ولهذا فإنها لا تنفع إلا مع وجود هذه المذكورة. Donc cette kalima, ce témoignage, il a des conditions, un sens. Ça implique des choses, celui qui dit la ilaha illallah. مثلا celui qui dit la ilaha illallah لا بد أن يكفر يكفر بالطاغوت. On est obligé de rejeter الطاغوت. مثلا si واحد dit la ilaha illallah, et c'est déjà arrivé, et il dit là, la kinana, je ne dis pas les chrétiens, les juifs, c'est des koufars. Là, on est tous des frères, on est tous des croyants. La kin, moi, je choisis l'islam. Et eux, ils ont leur religion véridique, etc. Là, t'en fais, oh, c'est d'aucune utilité. Pour que la ilaha illallah elle soit valide, il faut absolument rejeter toutes les fausses religions, christianisme, judaïsme et autres. Allez, c'est des exemples pour vous montrer أن هذه الكلمة elle est profitable, c'est la parole la plus profitable avec ses points cités, conditions, etc. قال وهذه الكلمة لها أسماء منها أنها كلمة الإخلاص لأنها تنفي الشرك بالله وتثبت العبادة لله ولذلك سميت كلمة الإخلاص أي إخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وتجنب الشرك بالله عز وجل. هذا c'est clair. Parmi les noms de ce témoignage, de cette parole, Kalimatu al-ikhlas, la parole de l'unicité. Limadha li'anna, le sens de cette parole, c'est at-tawhid. Qala wa tusamma kalimat at-taqwa, kama qala Allah ta'ala, ij'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-hamiyata hamiyata al-jahiliyya, fa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa alzamahum kalimat at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allah bi kulli shay'in 'alima wa kalimat at-taqwa hiya la ilaha illa Allah. Donc dans ce verset Allah Azza wa Jalla قال وألزمهم كلمة التقوى. La parole de la taqwa. Cheikh Al-Fawzan et Al-Mufassirun min a'immat as-sunnah, ils expliquent كلمة التقوى par la ilaha illallah. قال لأنها تقي من قالها مخلصا لله Azza wa Jalla تقيه من النار. Le mot taqwa, on a étudié ce mot, les significations, les bienfaits dans la risala tabukiya de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et ce mot at-taqwa, parmi les sens linguistiques, c'est ma yaqik min an-nar. At-taqwa, c'est quelque chose qui te préserve, qui te protège, comme mathalan le parapluie te protège de la pluie, comme un parasol il te protège du soleil. Hakad at-taqwa, c'est des causes que tu fais pour être préservé de l'enfer. C'est quoi ces causes? قال ولأنها تقتضي أعمال البر لأن التقوى هي أعمال البر والطاعة. فالتقوى ça veut dire quoi? Il traduit par la crainte, la piété. En arabe, التقوى c'est des choses que tu vas faire. Ça va être une cause. Ces choses, ça va être des causes pour te préserver du châtiment. Comme l'armure, elle préserve le soldat. Comme le parapluie protège plutôt celui qui le porte d'être mouillé, etc. Enfin, at-taqwa, ça te protégera, te préservera du châtiment. Et on peut citer, on a la définition, une des meilleures définitions, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Tabukiyah, la définition de Talq ibn Habib, rahimahullah, قال at-taqwa, al-amal bi ta'atillah, ala nourin min Allah, raja thawabillah. C'est ça, at-taqwa. At-taqwa, c'est al-amal bi ta'atillah, obéir à Allah, azza wa jalla, ala nour min Allah. Avec ilm, ne pas obéir en suivant ses passions avec des innovations. Là, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Comme Allah il a ordonné. Tout ça, c'est quoi le but? Pas pour se montrer. Là, رَجَاءَ ثَوَابِ اللَّهِ. En espérant la récompense. وَتَرْكُ مَعَصِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابِ اللَّهِ. كذلك, s'écarter des péchés. عَلَى نُورٍ مِنَ اللَّهِ. Avec science. Et pourquoi? Parce que ce muttaqi, ce croyant, il craint le châtiment. Il ne veut pas se faire châtier. Hada, ce ta'rif, raji'a at-tabukiya, wa hakada, il y a quelques jours, on a cité dans quel dars on l'a lu, min kalam al-imam al-Zahabi, la'alla, c'est dans Rawdat al-Uqala, on a cité, On avait lu Kalam al-Imam al-Dhahabi. Na'am fi rawdati al-uqala. On l'avait cité, walillahi alhamd, avec l'ajout de l'Imam al-Dhahabi. Al-Muhim, anna la ilaha illallah, il l'appelle kadalik la parole de la taqwa. Qala, wa aydan hiya al-urwatu al-wuthqa, kama qala ta'ala, fama yakfur bil-ta'ut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Al-urwatu al-wuthqa, qui est cité dans le verset. Les ulama, ils ont dit c'est la ilaha illallah. Qala faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam infisam laha wallahu samii'un alim yakfur bit ta'ut wa yu'min billah hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité al urwatu al wuthqa. Al urwatu al wuthqa, nasid, comment ils traduisent lance, la plus solide. Et ala kulli hal, en arabe, on va essayer de clarifier, c'est clair. Al urwatu al wuthqa. C'est quoi al-urwatu al-wuthqa? Qala azawjal faman yakfur bit-ta'ut wa yu'min billah. C'est ça. Celui qui applique cela, il aura haqqaq al-urwatu al-wuthqa. Donc yakfur bit-ta'ut, il rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah azawjal. Ay yakfur bi al-adyan al-batila, il rejette toutes les fausses religions, wa yu'min billah, et il adore que Allah seul. C'est ça, al-urwatu al-wuthqa. Donc, il n'y a aucun doute que c'est la ilaha illallah. Qala, innahu yakfur bit-ta'ud, hadha huwa ma'na la ilaha. Wa yu'min billah, hadha huwa ma'na la illallah. Donc, quand on dit la ilaha, il n'y a pas d'ilaha. Personne ne mérite d'être un ilaha, sauf Allah. Al-ilaha, c'est qui? C'est al-ma'luh al-ma'boud, comme on verra, inshallah, dans les prochains dors. On ne détaillera pas l'an ma'na la ilaha illallah, liana Cheikh Fawzan, Hamidallah, il a détaillé hada ba'd. La faqat, le dars d'aujourd'hui, on essaie de lire, ma yata'allaq bi les noms de la ilaha illallah. Qala, fa ma'na yakfur bit ta'ud wa yu'min billah huwa muqtada la ilaha illallah. Wa lidhalika sumiyat al-urwatu al-wuthqa. Wa aydan hiya kalima, wa aydan hiya kama qala al-Sheikh, ay al-mu'allif, al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Al-fariqa bayna al-kufri wal-islam. فمن قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها صار مسلما ومن أبى أن يقولها أو قالها ولكن لم يعلم معناها أو قالها ولم يعمل بمقتضاها لم يكن مسلما حتى يعرف معناها ويعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا. Donc la différence entre le muslim et le kafir, c'est cette kalima. هذا ça nous montre quoi? On vit une époque en بعض الضلال, ils appellent à l'unification des religions. Anna, tu ne dois pas dire que les autres c'est des mécréants, etc. Tout ce kalam qu'on entend à notre époque. Ceux qui acceptent hadihi da'wa, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Wa illa, celui qui a compris la ilaha illallah, il ne peut pas dire que celui qui ne dit pas ce témoignage, il ne dit pas ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ça ne peut pas être un croyant. Abadan. Bel, c'est la différence. C'est la différence entre le musulman et le kafir. Tu trouves des nazlans, ils disent que les juifs et les chrétiens, c'est des croyants comme nous. Et si tu dis que c'est des kuffars, des mécréants, tu es un radicaliste, un intégriste, etc. Ah ouais, ils n'ont pas compris la ilaha illallah. Kadhalik, on déduit une autre chose. En étudiant les livres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tu comprends pourquoi ils le combattent jusqu'à aujourd'hui. Ils ont inventé une secte al-Wahhabiyya, et pour eux, le guide, le meneur, c'est Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'imam, rahimahullah. L'imam, il y en a 6 livres. C'est la définition authentique de l'islam. Et si tu as compris ces livres, tu comprendras que Jami' al-Mushrikin, c'est des mushrikin, c'est des kuffars. Et ça implique des choses. On doit les détester, on dit que ce n'est pas des croyants, etc. Et en aucun cas, ça implique faire du mal, les tueries, les attentats. Comme ils essayent de coller à da'wat Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayhi. Qala, wa aydan. هذا قرأنا قال هذه أسماء للا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة التقوى العروة الوثقة الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام. D'autres savants, ils ont cité des autres noms. لكن شيخ الإسلام il a cité ces quatre. قال لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة مع أنهم يكثرون من النطق بها وذكر الله بها كالصوفية. Thomas Cheikh Fawzan, il a fait ce rappel, rahmatullah alayhi, anna kathiran min an-nas, ils disent la ilaha illallah, bel ba'dhum, ils le disent souvent, lakin ils n'ont pas donné d'importance à l'essentiel. Je prononce cette kalima, alhamdulillah, c'est une obligation de la prononcer pour celui qui a la capacité. Lakin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Les huquq, c'est quoi? Cette kalima, elle a un haq azim. Son haq, c'est quoi? C'est si tu dis cette kalima, tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Amma as-sufiyya, ils disent cette kalima, ils la contredisent. قال رحمه الله حفظه الله فلهم أوراد صباحية ومسائية فيها لا إله إلا الله آلاف المرات ولكنهم يدعون غير الله فهي لا تفيدهم شيئا. On fait une remarque au début du livre, c'est que Cheikh Fawzan حفظه الله il a cité des ahkam. Cette parole n'a aucune utilité pour ceux qui font telle chose. C'est des ahkam amma. Certaines personnes, à cause de l'ignorance, Obama, et font des choses qui font du mal à leur shahada. Ah, bien sûr, ça revient à certaines conditions, certains mawani que les savants ils ont cités et qu'on a expliqué dans l'étude de Nawaqid al-Islam. Wa illa fa kaffar, une personne qui dit la ilaha illallah, c'est pas bil amr al-hayyin. C'est pas simple. Awalan, le takfir, ce hukm, ça revient à ahlul ilm, ça revient pas à tout le monde. Et thanian, c'est pas simple de faire sortir quelqu'un de l'islam. Surtout s'il dit la ilaha illallah, il fait salat. Et nous, à notre niveau, comme on conseille souvent nos frères, khasatan si c'est un de nos proches, avant de vouloir connaître le hukm, fais des efforts pour l'enlever, être une cause pour qu'il délaisse hadhihi shirkiyat, et ça devient un muslim clair, walillahi alhamd. Non. Lakin ahyanan, certains, ils ont besoin de savoir par rapport à l'héritage, par rapport au mariage, par rapport à certaines choses. Daïman, le conseil, c'est de revenir à ahlul ilm fi hadhihi al-masail. Celui qui est touché, qui est concerné, il demande à un savant de la sunna. قال فلهم قرأنا لأنهم لم يعملوا بمقتضاها فهم يقولونها ويقرؤونها في أورادهم ويكررونها ولكن يدعون الموتى ويستغيثون بالمقبورين ويطيعون مشايخ الطرق الذين يشرعون لهم عبادات لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح, ils disent une kalima, ils la contredisent leilan wa nahara. Et on avait cité certains de leurs égarements dans la série sur les sectes, le groupe des soufis et des tijani. On avait cité des choses shirkiyat wadiha. Ils adorent autre qu'Allah clairement. نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. قال فلا يتلقون التشريع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يتلقونه عن مشايخهم. نعم, ils adorent autre qu'Allah, ils adorent des morts, et كذلك التشريع, le halal et le haram, etc., ils le prennent des mashayikh. بعضهم, ils autorisent quoi Allah il a interdit, et ils disent لكن c'est le shirk qui a dit. هذا لا يجوز, ça c'est réservé exclusivement Allah subhanahu wa ta'ala, التشريع. Et de dire telle chose halal, telle chose haram, il faut faire telle chose. On parle dans le din. Ça, c'est réservé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé des choses fi dunya. Et il nous a interdit des choses. Enfin, tout ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Din wa dunya. Qala, wa innama yatalaqawna wa'an mashayikhim fa haula yukthiruna nutq bila ilaha illallah sabahan wa masa wa la yugni anhum nutquhum biha shay'a wa la yufiduhum shay'a. Limaa liannahum ils la contredisent. Et pour que cette parole soit profitable, il ne faut pas se contredire. Matalan, dire la ilaha illallah, ça veut dire quoi? En résumé, ça veut dire qu'on adore, on a le droit d'adorer que Allah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Comment ils adorent un mort? Wallahi ya ikhwan, c'est comme si quelqu'un dit je vais à droite et il va à gauche. Enfin, le fait qu'il dise je vais à droite s'il va à gauche, sa parole elle est d'aucune utilité là. Il peut dire 1000 fois, je vais à tel endroit, s'il ne va pas à cet endroit, il n'est pas parti à cet endroit. Celui qui dit la ilaha illallah, il adore autre qu'Allah, il dit une chose qu'il ne fait pas, qu'il n'applique pas. قال رحمه الله ومن الصوفية من لا ينطق بها أو قبل ذلك نعم ولا يفيدهم شيئا. صحيح أن بعض الصوفية كما قال, ils ont des awrad. Al-awrad, c'est quoi? C'est des bid'a qui font liés à des endroits ou à des lieux. Matalan, après le fajr, il faut dire 1000 fois telle chose, 10 000 fois telle chose. Là, ils ont des awrad, il faut dire des milliers de fois, ahyanan la ilaha illallah. Ma'a hada, ils font ce dhikr dans un masjid où il y a une tombe. Hum, ils l'appellent Sidi Fulan ou le Wali Fulan. Et Robama, ils font ce dhikr et ils tournent autour de la tombe. En disant ce dhikr, la ilaha illallah, ils font du shirk. Alors, dès qu'ils ont fini, ils se prosternent devant ce mort. Ils lui demandent. أَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَهْلِ قَالُوا مِنَ الصُّفِيَ مَنْ لَا يَنْطِقُ بِهَا كَامِلَةً وَهَؤُلَاء يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ صَارُوا خَوَاصِ الْخَوَاصِ لَا يَقُولُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَلْ يَقُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ هَذَا ذِكْرُهُمْ Ça, c'est une faïda, un shaitan, il égare les gens étape par étape. Au début, ils ont dit la ilaha illallah sans comprendre le sens. Ils ont fini par adorer autre qu'Allah. Thumma, ils disent plus la ilaha illallah, ils disent que Allah, Allah. Andoro, étape par étape. قال هذا ذكرهم يرددون الله الله الله مع أنه لا بد تأتي بجملة مفيدة أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا en langue arabe un mot seul il n'a aucun sens si tu dis Allah et tu t'arrêtes مثلاً واحد il veut faire du dhikr il dit Allah Allah أولاً c'est une bid'a c'est une invention le prophète صلى الله عليه وسلم il n'a jamais fait du dhikr comme cela et deuxièmement niveau linguistique ça n'a aucun sens ça veut dire quoi Allah Allah Allah quoi إما tu dis Allahu Akbar إما تدي الحمد لله إما تدي لا إله إلا الله إما تدي سبحان الله إما تدي لا حول ولا قوة إلا بالله vous avez remarqué que لفظ الجلالة le nom d'Allah سبحانه وتعالى il y a toujours un ثناء عظيم إما بالحمد إما بالتنزيه dire سبحان الله ou autre أما eux ils disent الله الله الله مع أنه لا بد أن تأتي بجملة مفيدة أما الله الله فهو اسم مجرد فهو لا يفيد شيئا وبعضهم لا يقول لفظ الجلالة بل يقول هو هو ضمير غائب وهذا لا يفيد شيئا هو هو c'est le ها على fin de لفظ الجلالة الله ف le ضمير أي le dernier ها ils l'ont pris seul et ils le disent maintenant ils disent هو هو انظروا الشيطان même Allah ils disent plus ils disent هو هو بعض العلماء comparent ce bruit à نباح الكلاب dans certains مساجد الصوفية ils sont nombreux à dire ce cette lettre hu hu hu fana'oudou billah tu entends un bruit kanna haoula c'est pas des êtres humains pourquoi délaisser la voix du prophète alayhi salatu salam ça les a poussés à hada qala li'annahu ta'alu tala'ub bihadhihi alkalima fayajib at-tanabbuh lihadhihi al'umur li'anna ash-shaytan lamma 'alima anna hadhihi alkalima hiya kalimatu al-islam wa kana 'inda an-nas raghbah fi an-nutq biha wa adh-dhikr biha sarrafahum 'anha bihadhihi al-hiyal فَيَجِبْ أَتَّنَبُّهُ On est tous concernés. On doit faire attention. Si Allah subhanahu wa ta'ala est ouvert les portes, tu as compris, tu détestes le shirk, n'oublie pas أَنَّ تَدْعُوَ Même avec tes proches, même avec tes enfants, tu dois commencer par هذا. لِمَاذَا لِأَنَّ On n'est pas à l'abri. الشيطان, il sait que l'essentiel, la base du dîn, c'est cette kalima, il commence toujours, il essaye d'égarer un musulman dans ce point. C'est pour ça qu'on doit l'enseigner à nos enfants, on doit l'enseigner à nos parents. كَذَلِكَ Celui qui fait des dourous ou des traductions ou il propage à ses frères, il doit ne pas négliger ce point. C'est pour ça qu'ensemble, wallillahi alhamd, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi, ou on lui demande al-thabat, on essaye d'aimer dans les dourous d'une partie que ça soit fi tawhidillah. Pourquoi? C'est la base de chaque prophète, chaque messager. Et c'est ce qui différencie da'wat ahli sunnah, at-tabi' al-salaf, des autres. Da'iman, al-da'wa ila tawhid. Qala, وأتى لهم بهذه الوساوس وقال لهم قولوا الله الله أو قولوا هو هو وبعضهم لا يتلفظ لا بالله ولا به وإنما يقولها بقلبه فقط كل هذا تلاعب من الشيطان فيجب التنبه لهذا certains ils ont encore été plus loin ils disent plus ils disent c'est dans le cœur même la ilaha illallah ils la prononcent plus alors qu'il n'y a aucun doute al-ijma Cheikh al-Islam Rahimahullah ta'ala, il l'a cité et d'autres que c'est obligatoire pour tout le monde de prononcer hadihi shahada. Bien sûr, ceux qui ont la capacité. Madalan, si quelqu'un est muet, hada, c'est autre chose. Amma ha'oula, là, ils ont pensé que c'était dans le cœur. Thumma qala, rahimahullah. ومن الناس من يغفله الشيطان عن قول لا إله إلا الله فلا يقولها إلا نادرا ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان كما جاء في كتاب التوحيد أنها لو وضعت في كفة وضعت السماوات ومن فيها غير الله نعم ووضعت السماوات ومن فيها غير الله والأرض ومن فيها نعم ينظر الكلام كان هو يبقى واضح في كفة لمالت به لا إله إلا الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه تقدم في كتاب التوحيد pour montrer les bienfaits les mérites de cette kalima لو وضعت في كفة une balance avec deux plateaux, si la ilaha illallah sur un plateau et as-samawat wa man fiha, n'am ghayr Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sama, fa huna c'est n'am kanahu yurid, les créatures bien sûr, n'am les cieux et tout ce qu'il y a dans les cieux, et kadhalik les terres et tout ce qu'il y a dans les terres, et la ilaha illallah dans l'autre côté de la balance, fa le plateau qui a la ilaha illallah, il serait plus lourd. Ça, c'est un fadl azim. C'est pour ça qu'on ne doit pas négliger. C'est un rappel pour nous. On connaît le sens, on connaît les mérites. Lakin, on ne doit pas oublier de faire du dhikr avec cette kalima. Plusieurs hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré afdal al-kalam. Les meilleures paroles indallah, c'est la ilaha illallah. Wa subhanallah, wa alhamdulillah, wa allahu akbar. كذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي la meilleure parole que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit, et كذلك les prophètes et les messagers avant lui, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Et كذلك dans l'autre hadith أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. C'est une cause pour être préservé du nar. لكن هذا الذكر le fait de la prononcer avec ces choses que le prophète صلى الله عليه وسلم il a cité. Vous avez remarqué ici قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه. Et avec véracité, avec sincérité. Dans l'autre hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui qui meurt et il connaissait le sens de la ilaha illallah. Bien sûr, le fait de connaître le sens, ça implique annahu il l'a prononcé. Kadhalik, il ne l'a pas contredite cette kalima. Et il a appliqué cette kalima. Fala shak annahu il rentrera fil jannah. Kadhalik, al-shafa'a hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا الذكر on ne doit pas le négliger يا إخوان, que ce soit في أذكار الصباح والمساء, dire لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 fois أو 10 fois. فعلى كل حال هذا الذكر il est عظيم et ça t'ouvrira des portes في العلم في الرزق la guider etc. On finit, قال رحمه الله فهي تثقل بمن في السماوات ومن في الأرض ومن في نعم فهي تثقل بمن في السماوات ومن فيها غير الله والأرض وبمن فيها فهي كلمة عظيمة. كذلك l'autre حديث أن يوم القيامة cet homme qui aura fait beaucoup de péchés 99 registres كما جاء في الحديث في كفة dans un plateau de la balance. ثم une carte بطاقة sur laquelle est inscrit la ilaha illallah. حتى cet homme il sera étonné, qu'est-ce que cette carte elle va faire face à tous ses péchés. لا تظلم, aucune injustice ce jour-là. Enfin, quand la carte elle sera posée, ça fera voler en éclats tous les péchés. لماذا لأن cet homme c'est un mouhid. Cet homme il a dit cette parole, il l'a mise en application malgré ses péchés. فكلمتون عظيمة أثقل شيء في الميزان. Et c'est notre objectif à tous en tant que mu'min. يوم القيامة que notre balance elle soit en notre faveur. فأثقل شيء, la chose la plus lourde que tu peux préparer pour يوم القيامة, c'est تحقيق هذا التوحيد. Cette كلمة لا إله إلا الله. قال ولكن قل من ينتبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها و تكرارها إلا من وفقه الله. C'est pour ça qu'on doit faire dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous facilite. Et inshallah le prochain dars on continuera. Aujourd'hui on a mis un peu plus de temps, on a fait une petite introduction. Wa à partir des prochains cours on lira directement et inshallah ta'ala yahsul khair. Les cours c'est le rythme qu'on a pris après Ramadan, c'est tous les mardis, jeudis et dimanches, et l'étude de nos deux livres. Lakin, ahyanan, on essaiera de faire une kalima, une muhadara, si on peut traiter un sujet le samedi, comme on a l'habitude de faire. Et ce samedi, on fera, incha'Allah ta'ala, une kalima. On verra l'heure. Est-ce que plus le soir, la même heure, On verra avec le décalage. Il a akhiré. À la kulihal, sur la chaîne Telegram, on essaiera de prévenir avant. Wa hayyakumullah. Et naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadwallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.